Donc, à travers ton parcours et l'histoire du service des moyens audiovisuels de Vincennes, on voit bien que la vidéo a été utilisée donc par de multiples départements, tu le rappelais, et pas seulement par des départements, par les départements art, les sections, puis les différents départements. Donc je citerai quelques exemples et on verra une autre bande-annonce après. Quelques autres exemples donc, de vidéos qui ont été tournées et que tu as restaurées. Dario Fo à l'université de Vincennes en 1974, en janvier 1974, c'est justement la deuxième bande-annonce qu'on verra tout à l'heure. Ça, c'était dans l'ensemble, un assez grand ensemble d'événements qui avaient lieu à l'université ou en dehors, mais dans lesquels finalement vous étiez impliqués. Vous avez aussi capté le spectacle du théâtre de l'Aquarium, La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses bras, donc en 1977 à la cartoucherie de Vincennes. Tu as aussi récemment restauré, toujours par rapport à des événements ayant lieu à Paris 8 ou en dehors d'ailleurs, Voyage au pays des Maclomas, le berceau des origines. Donc là, c'est quand même une histoire aussi assez incroyable. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Ça, c'est une des dernières grandes restaurations. Ça, c'est la plus ancienne bande que j'ai retrouvée de... sur l'université, justement, du non-standard dont je parlais au début, c'est-à-dire du demi-pouce au niveau de la bande, mais qui n'est pas le standard UORJ, c'était donc CV2100 Sony. Et il y a effectivement quelques bandes qui restent à l'université avec ce standard-là qu'on n'a jamais vraiment réussi à relire. Il y a eu très peu de magnétoscopes de table CV2100, et encore moins en état. Donc là, celui que j'ai retrouvé au département théâtre, dans une réserve, donc, qui était passé à travers le déménagement, enfin qui avait réussi. Évidemment, quand je l'ai branché, il a commencé par exploser et faire une grosse fumée noire. Bon, donc il a fallu passer un peu de temps à le réparer. Évidemment, c'est du travail complètement artisanal, puisqu'on ne peut pas trouver de pièces pour ces magnétoscopes, donc il faut arriver à se débrouiller. Oui. À ce moment-là, c'est l'électronique, les condensateurs qui ont explosé. Ils chauffent. Ils sont trop vieux, ils ont vieilli. Alors, bon, mais après, il faut essayer de retrouver les pièces correspondantes à peu près. Enfin, disons que c'est un peu compliqué, un peu long. Mais à part ça, après ça, j'ai pu effectivement. J'ai retrouvé une bande d'étudiants qui s'étaient inscrits à l'université en théâtre, donc en 73, je pense qu'ils sont, ou en 72 même, et un atelier masque, clown et marionnette. Et ils ont formé très vite un groupe autour des clowns, enfin de la représentation des clowns. Et ça, c'était simplement la présentation de leur spectacle, de leur travail de fin d'année, donc présenté dans l'amphithéâtre à Vincennes. Et ça a été filmé, bon, on ne sait plus trop par qui, certainement par le département théâtre, mais on ne sait pas exactement par qui. Donc c'est une bande de 1973, et un an ou deux ans après, bon, ils sont partis comme professionnels. Ils ont joué avec Dario Fo d'ailleurs, enfin ils ont été aidés un peu par Dario Fo. Ils ont joué à la cartoucherie de Vincennes, justement, au théâtre de l'Aquarium. Et puis, ils ont eu une carrière internationale. Donc c'est toujours intéressant de retrouver des documents d'origine, quoi, enfin, qu'on fait naître quelque chose. Là, maintenant, ils ont arrêté il y a un certain nombre d'années. Et ils ont été contents de revoir, évidemment, parce que j'essaye de retrouver les gens... Quand j'ai retrouvé un document, que les restaurer, essayer de les retrouver pour pouvoir leur montrer et leur offrir. Donc évidemment, la plupart des gens sont extrêmement étonnés, ils ne se rappelaient pas que c'était filmé. Bon, là c'était une captation, mais bon, d'un travail universitaire, enfin d'étudiants. Et donc ils sont tout contents de retrouver ça, évidemment. Donc ça fait... C'est vrai qu'on vient de voir, on me rappelle que... Les soucis, c'était souvent le son plus que... Ah là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, là, mais il y a des problèmes d'enceinte, là, quand oui, même. Le son n'était pas très bon sur cette bande, mais là, c'était encore pire ouais, que... Ouais. Oui, non, là, il y a un problème de saturation, je ne sais pas. Là, ouais, c'est bizarre, je comprends. Ouais, ouais. Mais sur le film, c'est déjà un peu saturé, effectivement, sur l'original, mais là, je ne sais pas, ça me paraît excessif. Mais le son, oui, quand on pouvait, on faisait bien. Pour la pièce La jeune lune, là, c'était... Là, ça a été filmé à la cartoucherie. Là, il y avait effectivement, on était quatre techniciens. Il y avait vraiment un preneur de son qui avait mis trois ou quatre micros. Donc, mais quand c'était avec un micro tendu comme ça, c'était des mauvais micros. Il y avait généralement le bruit du vent, il n'y avait pas de bonnette. Enfin bon, c'était et des fois c'était carrément un micro intégré à la caméra, donc c'était encore pire. Vous pouvez nous rappeler le nom de l'unité de vidéo de Jean-Marie Serrault, qui était le directeur, le créateur du Théâtre de la Tempête à Vincennes. Il avait une unité de production vidéo. Je ne sais plus, c'était vachement intéressant, mais je ne sais plus à le souvenir. Moi non plus. C'est-à-dire qu'il y a là aussi, il faudra retrouver. Il faudrait retrouver, il y a des tas de choses à retrouver qui se sont perdues, sûrement. Mais, bon, il y avait plein de choses qui n'ont pas été filmées non plus. Là, pour la Jeune Lune, c'était une pièce que j'avais été voir et que j'avais trouvée absolument extraordinaire. J'étais pas le seul. Elle est restée 6 mois à l'affiche et donc je me suis dit à l'époque, il faut absolument la garder, en garder une trace, la filmer. Voilà, donc je l'ai fait avec 4 collègues. Et puis, quand j'ai retrouvé les acteurs de l'époque, enfin acteurs, auteurs, c'était une pièce collective. Jean-Louis Benoît, Didier Bezas, entre autres, ils ont tous été étonnés parce qu'ils ne se rappelaient pas du tout que ça avait été filmé, donc ils ne voyaient pas très bien comment j'avais pu faire un DVD avec ça. Mais après, ils ont admis qu'effectivement, pourtant, on a filmé avec leur consentement, évidemment, mais bon, on a été assez discret, ce qui explique que la lumière n'est pas très bonne. Mais donc, on a fait une captation de toute la pièce. Et donc, il reste en fait, dans tes deux bureaux, en tout cas les deux pièces que je connais, que tu occupes, encore beaucoup de bandes vidéo, donc beaucoup de travail et sûrement beaucoup de surprises encore, à mon avis, hein, qui vont émerger de ce fond que Julia Mine, ici, est stagiaire en ce moment à la BNF autour du Fonds Vincennes, va nous aider à inventorier pour que ces reports puissent aussi être, enfin que la BNF puisse t'aider aussi dans ces reports et que toi ensuite tu restaures finement des bandes sélectionnées. Alors donc vous l'aurez compris, donc tout ce que Patrice a restauré est la plupart est quand même en ligne. Donc des films aussi réalisés par des enseignants, des films réalisés par des enseignants avec des étudiants, des films d'étudiants. Et parmi ces films, d'ailleurs, des films militants. Moi, j'étais surprise qu'un film autour du Larzac, hein, qui s'appelle Larzac et la lutte continue, ait été tourné par des étudiants et une enseignante, Magda Zabmoni, du département géographie, donc entre 1977 et 1978. Donc voilà, de nouvelles sources et tout à fait accessibles. Comment ? Bah parce que en fait, enfin, on était surtout très contents, surtout, plus que surpris, mais on avait cherché des bandes autour du Larzac par le passé, et on n'en avait pas trouvé, en dehors de celle-ci. Oui. Donc, parce que Vincennes, voilà. C'était Vincennes. Vincennes ne travaillait que par la politique. Et oui. 80% des gens étaient maoïstes à Vincennes. Bah oui. Ouais, c'est ce genre de truc qu'il faut dire. Alors justement, on va y revenir, et maintenant avec toi et Jean-Paul Fargier. Donc,